Chapitre 20e. En errant, je découvris le plus charmant endroit que put désirer un chasseur. C'était un sentier praticable, sous de grands arbres très épais, avec des éclaircies de chaque côté. Les oiseaux, après avoir butiné çà et là, venaient se reposer à l'ombre. Je n'avais qu'à choisir parmi eux mes victimes. Je me promenais là, nonchalamment, sans me fatiguer, bien abrité. Dès que je me sentais un peu là, j'allais chercher des oranges et je m'asseyais sur quelques troncs d'arbres. Je dessinais des fleurs, des feuilles, sans perdre de vue le sommet des arbres. Un jour, comme je ne faisais pas grand bruit, tout occupé à examiner la loupe un insecte, j'entendis derrière moi quelque animal marcher dans les herbes. En me retournant doucement, je vis un très beau chat sauvage se promenant aussi de son côté. Il faisait de petits sauts, s'accrochait aux lianes, et de temps en temps poussait de petits miaulements. C'était le premier de son espèce qui venait ainsi à ma portée. J'avais toujours dans les poches des balles et des chevrotines. J'en glissais quelques-unes dans ma carabine. Quand je voulus me lever, le chat s'élança sur un arbre, et avant que je pusse le viser, il était tout en haut. Je le tirai presque au hasard, et je fus bien surpris quand je le vis tomber en s'accrochant de branche en branche. Arrivé à terre, il était mort. J'en avais assez pour ce jour-là, et je revins à la case, portant ma chasse qui me parut très lourde. Tout n'était pas plaisir, même dans les sites les plus charmants, et parmi les désagréments dont il ne me fut jamais possible de prendre mon parti, l'honneur du premier rang ne peut être disputé aux moustiques qui me tourmentaient partout, au logis et dans la forêt. Pour éviter leurs piqûres pendant mon travail, j'avais d'abord imaginé de faire faire près de moi un grand feu par Manuel tandis que je peignais. Mais outre que je rôtissais, je n'échappais pas à mes ennemis. Il m'eût fallu me mettre dans le feu même. Alors je m'arrangeai une moustiquaire au moyen de quatre bâtons. Après en avoir chassé les insectes, je me glissai lestement dessous comme un rio dans le palais. Il y avait bien à cela un petit inconvénient. L'étoffe de la moustiquaire était verte et il s'ensuivait qu'en peignant, je voyais tout en vert. Je n'en étais pas moins très fier, là-dedans, assis sur un siège de ma façon et entouré de milliers d'assiégeants, exaspérés de ne pouvoir m'atteindre. Ils étaient monstrueux. Ce n'étaient pas des moustiques, mais bien d'affreux maringouins, dont les piqûres causent une douleur plus vive et sont vénéneuses. Une fois, tandis que je riais sous cap de leur impuissance, travaillant avec courage pour réparer le temps que j'avais perdu à dresser ma prison verte, tout à coup je me sentis piqué au front. Un maringouin était entré. La chasse fut longue, mais je parvins à écraser mon ennemi entre mes deux mains. Je repris ma palette. Bientôt, autre piqûre, autre chasse. En m'agitant, je fis une ouverture à la partie inférieure de la moustiquaire. J'en devins enragé. Je renversai tout, boîte, étude. J'essayai de m'arracher les cheveux, mais ils étaient trop courts. Si Manuel avait été là, je l'aurais assommé. Je cassai en tout petits morceaux les supports de mon établissement, et je déchirai la toile. De retour à la maison, voyant qu'après tout la colère ne remédiait à rien, j'essayai de plusieurs autres procédés. Faute de posséder un masque de salle d'armes, j'essayai d'en faire un avec du fil de fer, mais cela ne me réussit pas, et je m'arrêtai à un autre parti qui me parut le meilleur. Sur un grand chapeau de planteur, j'attachai un morceau de ma moustiquaire, à peu près comme un voile de mariée. Il me tombait sur les épaules que je cuirassais avec un cahier de papier. Mon cou se trouvait ainsi préservé par devant et par derrière. Vis-à-vis mes yeux, j'avais fait deux petits trous bordés avec un ruban de fil et que je me proposais de couvrir à l'aide de mes lunettes. De vieux jupons, descendant bien plus bas que les pieds et pouvant encore se replier, me garantissaient le reste du corps. J'ai été ravi de mon invention. La journée du lendemain serait bonne. Rien ne me troublerait dans mon travail. Je partis gaiement. Arrivé sur mon plateau, je m'affublai de mon nouveau costume. Moustiques et maringouins furent bientôt attrapés. Je peignais à mon aise, lorsque, fatalité étrange, voilà que mes lunettes sautent en l'air. Je venais, par mégarde, de leur donner un coup qui heureusement ne les avait pas cassées. Mais un maringouin s'était aussitôt introduit par la brèche et glissé dans mon œil gauche. C'en était trop. Je jetai mes armes défensives, et sans même avoir la force de me mettre en colère, j'acceptai le martyre. Je n'eus plus le courage de recourir à d'autres expédients. j'ai tant souffert pendant les 3 semaines suivantes que je dois renoncer à en parler davantage, certain que je ne serais pas compris. Les moustiques avaient beau jeu, ils furent sans pitié. Je n'avais presque plus figure humaine. On me voyait à peine les yeux. Mais aussi résolument qu'au pôle Nord et au milieu des ours blancs, j'avais travaillé et j'étais parvenu à peindre un vaste panorama. Il était composé de 6 feuilles, où avec une grande conscience, j'avais copié servilement plantes, arbres et fleurs, de même qu'autrefois les glaciers, les rochers noirs et aigus du Spitzberg. Je considérais cette peinture comme mon œuvre capitale. Je n'espérais rien faire de mieux. Il était donc sage de songer au retour. Encore une semaine au plus et j'allais quitter ces lieux, qui, bien qu'on ait des mots à endurer, font perdre la mémoire du passé et donnent cette sorte de fièvre que le capitaine Mainred nomme dans son roman intitulé « Les chasseurs de chevelure » la fièvre de la prairie. C'était parfaitement vrai pour moi. Je vivais en sauvage, me nourrissant le plus souvent du seul produit de ma chasse, sans devoir à remplir, sans engagement, mais aussi sans affection. Je n'avais plus à compter que sur mes propres forces, elles me suffisaient. L'heure du départ arriva enfin. J'allais quitter mes grands bois, un an après mon départ de Paris, le jour de Pâques. Je retournais encore une fois dans les lieux que j'avais parcourus le plus habituellement. J'allais dire adieu à ces longs sentiers, où à l'abri du soleil brûlant, j'avais passé mes journées à chasser et à dessiner. Je restais longtemps assis sur un tronc d'arbre, mon canapé habituel. Là, je m'étais endormi quelquefois, rêvant que j'étais l'homme le plus heureux du monde. Dans mon extase, je ne peignais que des chefs-d'œuvre. Je n'avais qu'à choisir parmi les animaux les plus merveilleux, qui se faisaient un plaisir et un devoir de venir se placer au bout de mon fusil. Mes repas prenaient les plus belles proportions. Je mangeais des bananes grosses comme la tête, des haricots plus gros que des noix, et le reste à l'avenant. Hélas, ce rêve allait se dissiper. Il fallait retourner à la ville, reprendre l'habit de rigueur, remettre des bas, des souliers et un chapeau d'une forme ridicule à la place de mon grand sombrero de planteur. Je revins plein de tristesse à ma case. Et le lendemain, je montai un canot pour descendre cette rivière de Sagnassou à laquelle j'avais dû mes impressions les plus neuves et les plus originales. Quelques jours après, je rentrai à Rio, en traversant de nouveau cette baie immense dont parlent si diversement les voyageurs. Les uns, dans leur description, en font une merveille. Les autres déclarent n'y avoir rien vu de merveilleux. Je crois avoir compris la raison de ces différences dans leurs impressions. Les uns y sont entrés au moment du coucher du soleil. La température était douce. Les plans des montagnes se coloraient de 1000 manières, sans laisser la moindre place à la monotonie. La nature grandiose du Brésil se déroulait dans tout son éclat. Les autres voyageurs, fatigués, harassés par la chaleur, ne distinguaient pas très bien les objets. Éblouis par un mirage fatigant, tout leur paraissait triste et monotone. Cette couleur violâtre de presque tous les rochers déteignait sur le paysage. C'était exactement ce que j'éprouvais à mon retour. Je me fis conduire au palais, mais je ne m'y logeais pas. On m'assura qu'il était destiné à être abattu. Les fourmis coupies l'avaient miné. Les nègres qui m'avaient servi n'y étaient déjà plus. J'allai donc simplement à l'hôtel, après avoir déposé mes malles dans mon ancien appartement. J'éprouvais un ennui profond ce premier jour, et je me promenais sans but sur la place du palais, m'étonnant d'avoir alors des sensations si différentes de celles dont j'avais joui pendant les 6 mois que j'avais passés précédemment à Rio. Je ne voyais plus la civilisation du même œil. J'avais laissé dans les forêts que je venais de quitter tout mon enthousiasme pour ce pays qu'on pourrait rendre si florissant, et qui, en ce moment de mélancolie injuste, avait tant perdu de son charme à mes yeux. Je n'étais pas très empressé de m'habiller de noir. Mes pensées, qui n'étaient pas couleur de rose, n'ajoutaient guère aux agréments de mon visage basané. Il me fut facile de voir qu'on me regardait avec une certaine surprise. Mais j'étais loin de soupçonner tout l'effet que je produisais sur la population, tant civile que militaire. Le lendemain de mon arrivée, on lisait dans un journal de Rio: hier soir, un individu dont le costume laissait beaucoup à désirer se promenait en silence sur la place du palais, les mains derrière le dos. Cet individu, porteur d'une longue barbe de patriarche, semblait méditer quelque mauvais coup. Les petits enfants qui, par mégarde, passaient près de lui, s'enfuyaient au plus vite après l'avoir regardé. un poste de permanent, un signe donné par l'officier commandant, se tenait tout prêt à marcher au moindre mouvement équivoque de l'individu. Le jour suivant, on lisait dans une autre feuille publique « Le personnage éminent dont parlait hier d'une façon si inconvenante le journal de X est le célèbre artiste français Billard, de retour d'une longue excursion dans les forêts de la province de l'Espiritu Santo, etc. J'étais réhabilité. » Ainsi s'achève « Voyage au Brésil » par François-Auguste Billard.